élégamment tout bleu, ciel sur l'esplanade. Elle paraissait malade, ciel au fond des yeux, naturaliste, existentiel, partage entre les collines, incertaine, respire Joséphine. Sa peau a la couleur du miel.